Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Écoute dans la nuit. Jean-Marie Marseille. Alors ce soir, je reçois le groupe de prière Magnificat que nous allons découvrir au cours de la soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais m'adresser tout d'abord au responsable liturgique du groupe. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Jean-Marie. Alors vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors Grégoire. Je m'appelle Grégoire, j'ai 24 ans, je suis étudiant en production musicale, donc à l'ESG, en MBA. Et ça fait 3 ans que je suis guitariste à Magnificat, et depuis très récemment, j'ai pris le lead spirituel du groupe Magnificat. Voilà. Très bien, alors Grégoire, vous êtes accompagné par Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Marie. Alors vous êtes déjà venu dans l'émission Écoute dans la nuit pour faire un studio philo, un café philo. Effectivement, oui, c'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec les conférences Place Saint-Michel. Et alors moi, je fais de la philosophie à côté par ailleurs. Et je suis à Magnificat depuis 3 ans aussi. Au début, c'était plus pour de l'aide de décoration, voilà, tout ce qui est déco finalement, et petites mains à côté. Voilà. Alors je rassure les auditeurs, on va en savoir plus sur ce groupe Magnificat tout à l'heure. Exactement. Nous avons aussi Axel qui est parmi nous. Bonsoir Jean-Marie. Axel, moi j'ai 22 ans. Pareil, je fais des études de philosophie. Et donc j'étais déjà venue aussi le mois dernier, je pense, avec Place Saint-Michel. Oui, et on avait abordé l'un des 10 commandements. Oui, exactement. Tu ne voleras pas. Voilà. Très bien. Bienvenue Axel. Nous avons aussi d'autres invités, nous sommes très nombreux dans ce studio, il y a Marlène. Oui, bonsoir Jean-Marie. Alors pour ne pas déroger à la règle, je fais aussi de la philosophie, mais je fais aussi du théâtre à côté et voilà, je viens aider le groupe Magnificat de temps en temps et voilà, qui est porteur en prière, du coup c'est une chouette. Et donc vous allez nous aider à chanter et à prier pendant ce moment que nous allons avoir tout à l'heure de temps de prière. Exactement. Johan qui est au piano. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'ai 28 ans et je suis à Magnificat depuis le début en fait. Je joue du piano, voilà, j'accompagne la louange, la prière. Et alors dans la vie je fais aussi de la philosophie. Voilà. Alors c'est, on va louer avec des philosophes. Hein. Et oui, oui, oui. Et nous avons aussi notre dernier invité qui est Éloi. Bonsoir Jean-Marie. Alors Éloi, vous êtes venu avec un cajón. Voilà, c'est un instrument de musique un peu particulier. Alors c'est un instrument de musique cubain, de percussion afro-cubaine. Et donc j'ai rejoint Magnificat il y a un peu moins d'un an. J'ai 22 ans et je fais des études. Enfin, je viens de finir mes études de joaillerie. Très bien, mais merci beaucoup pour votre présence. Je salue aussi tous nos auditeurs et auditrices. Il y en a un autre qui se cache, mais quand il sera là, on va pouvoir le présenter. Vous pouvez nous appeler, donner vos intentions de prière au 01 56 56 44 00 ou bien vous pouvez nous écrire à l'adresse email écoutedanslanuit@gmail.com en indiquant s'il vous plaît votre prénom, votre ville et éventuellement le pays si vous nous écrivez d'ailleurs et de très loin. Le dernier que je n'avais pas présenté, c'est Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir Jean-Marie. Alors, d'où est-ce que vous venez ? Moi, je viens de Paris. Je fais l'animation à Magnificat depuis le début aussi, donc depuis 3 ans. Et en parallèle de ça, je fais des études dans une école de commerce. Très bien. Écoutez, tout à l'heure, nous avons parlé, quand vous êtes présenté de ce groupe Magnificat, vous animez donc tous les jeudis un temps de prière. Racontez-nous, Grégoire. Eh bien, Magnificat, donc, ça a été créé par 4 de nos amis qui font plus partie de l'équipe aujourd'hui. Et il y avait un 5e membre qui est Johan, donc qui est le plus ancien en fait, un peu la pierre d'angle du groupe Magnificat. Et voilà, et en fait ils ont créé ce groupe dans le but au départ de prier entre amis, tout simplement, tous ensemble. Et en fait ça a pris des proportions un peu plus grandes que ce qu'ils espéraient. Et vous avez commencé à prier chez vous, chez les uns les autres ou vous étiez justement déjà dans en fait, on est parti, on a essayé de trouver un lieu et du coup on s'est adressé à des églises. Et la paroisse Notre-Dame de Champs, qui n'était pas très loin de l'IPC, dont on est tous plus ou moins les enfants, nous a ouvert ses portes et ils étaient ravis d'avoir un groupe de prière de jeunes. Voilà. Et du coup, au départ, c'était vraiment un groupe fait pour les jeunes. Et puis finalement, on accueille tout le monde de tous les âges, toutes les tranches d'âge. Oui. Voilà. Et je profite pour rebondir sur ce que disait Grégoire, c'est qu'au début, en fait, quand on a commencé, c'était vraiment, on était un tout petit groupe, et on faisait ça le lundi, les 2 premières années, on faisait ça le lundi et une fois toutes les 2 semaines. Et en fait, au bout d'un moment, ça a commencé à, y a de plus en plus de gens qui ont commencé à venir. Donc au début, c'était fait pour les jeunes, mais il y a des gens de tout âge qui sont vraiment venus. Et du coup, maintenant, on fait ça toutes les semaines, et à chaque fois, je crois qu'il y a à peu près entre 50 et 100 personnes, en fait, à la veillée. Et d'ailleurs, maintenant aussi, le curé de la paroisse a demandé à ce qu'il y ait un temps d'évangélisation de rue qui se fait devant l'église, donc les portes sont ouvertes. Et il y a des personnes qui viennent évangéliser du coup sur le parvis et qui invitent les gens en fait à rentrer durant la veillée de prière pour venir prier avec nous. Est-ce que c'est le même groupe qui va évangéliser sur le parvis ? Non, pas du tout. C'est une initiative de la paroisse pour le coup. Nous, on est un peu entre guillemets extérieur à la paroisse, même si maintenant on en fait partie. Mais les gens qui font l'évangélisation dans la rue sont vraiment une initiative de la paroisse à l'initiative du curé. Oui, j'avais invité d'ailleurs l'un des missionnaires, François Pinsac, qui est à l'origine justement de ce groupe missionnaire. Tout à fait. Qui se trouve juste devant, effectivement, pendant que les portes sont grandes ouvertes. Nous avons à ce moment-là, on a la possibilité de rentrer dans l'église pour pouvoir vous entendre louer. Comment se déroule une veillée de prière Magnificat ? Tout d'abord, déjà, on commence par un signe de croix, tout simplement. Ensuite, il y a généralement le prêtre qui nous accompagne. Il y en a un ou deux, généralement, le prêtre qui nous accompagne. On commence par lire l'évangile du jour. Et ensuite, on commence à proprement parler de la veillée. Donc, il y a d'abord... la formule Magnificat, entre guillemets, a évolué plusieurs fois. Mais du coup, maintenant, tel que ça se passe, il y a d'abord un chant à l'Esprit-Saint. Et ensuite, le Saint-Sacrement vient du coup sur l'autel. Il y a une adoration qui commence. Et donc, à chaque fois que vous faites ces temps de prière, vous avez le Saint-Sacrement. Exactement, on a cette chance-là. Et on essaye d'avoir 2 prêtres maintenant, parce qu'on a la chance d'avoir des confessions aussi, pendant toute la durée de l'adoration et de l'intercession. C'est une chance d'avoir 2 prêtres, hein, parce qu'il y a beaucoup de paroisses, notamment il y a des villages d'où nous écoutent nos auditeurs qui n'ont pas cette présence sacerdotale. Exactement, c'est une grande chance. Et voilà, ça permet aussi... que Magnificat soit lieu de grande grâce pour les gens qui viennent prier avec nous. Et donc, ce soir, on va avoir ce temps de prière, évidemment, pour permettre à tous ceux qui n'ont pas de temps de prière dans leur paroisse, ces groupes de prière qui sont peut-être un peu plus présents dans les grandes villes, eh bien, on est là pour vous. Je rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre pour nous donner vos intentions de prière. Et on sait qu'on a beaucoup d'intentions de prière, hein. On va peut-être prier pour nos pays. Comme nous sommes en train de vivre des élections, c'est important de demander à Dieu vraiment son secours. Donc appelez-nous au 01 56 56 44 00 et vous pouvez nous écrire à l'adresse email écoutedanslanuit@gmail.com. Quelles sont les particularités musicales du groupe Magnificat, Grégoire ? Alors, Johan sera sûrement d'accord avec moi, mais on a, je pense, un charisme tout particulier qui est lié à la musique au sein de Magnificat, puisqu'on est tous, plus ou moins chanteurs, plus ou moins musiciens. Et voilà, on aimait déjà avant la création de Magnificat, on aimait déjà beaucoup se réunir tous pour chanter, pas forcément des chants chrétiens, mais voilà, on aimait beaucoup. Enfin, la musique faisait vraiment partie de nos amitiés. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pianiste qui est très très bon, donc Johan. Et Johan, vous avez un parcours aussi assez musical. Oui, j'ai pratiqué un petit peu la musique depuis jeune, assez jeune en fait. Très tôt, j'ai mis ce fait de savoir jouer du piano au service de l'Église et de la foi. Donc ça a commencé tout simplement en jouant pour la paroisse, etc., pour des messes, et puis pour des groupes de prière assez rapidement avec des amis. J'ai aussi eu des groupes de pop un petit peu, voilà, j'ai joué avec Annunzio, on avait un groupe qui s'appelait Samari, voilà, j'ai eu un groupe qui s'appelait Ephrem aussi, voilà, avec des amis, voilà, c'était des compositions qui parlaient de notre foi, simplement. Ephrem, ça se trouve où exactement? Où se trouve ce groupe? Alors, Ephrem, on se réunissait à Tours. C'est un groupe qui n'existe plus maintenant, mais voilà, il y a un album qui est sorti. Et le groupe Samari qui se trouve, alors, le groupe, qui se trouvait en tout cas. Le groupe Samari était implanté à Pigalle, la chapelle Saint-Rita. Voilà, c'était une formule un petit peu similaire à Magnificat, puisqu'il y avait aussi l'évangélisation de rue. Ça m'était arrivé d'ailleurs de participer à ces moments d'évangélisation et de louange dans le groupe Samari. Donc vous étiez peut-être déjà au piano. C'est probable, voilà. Très bien, donc la musique a une place importante pour le groupe Magnificat. Tout à fait. Vous avez quoi comme instrument en général pour les veillées de prière? Généralement, on a un piano. On a un piano, une guitare et deux chanteurs, généralement. Après, c'est arrivé quelquefois qu'on ait eu... Ah, il y a un caron, tant pour moi. Excuse-moi, Éloi. On a un caron. Et c'est arrivé parfois, quelquefois, qu'on ait eu un violon qui vienne nous accompagner. On a essayé des petits solos, des instruments solistes comme le violon, la clarinette, ce genre de choses. Mais ça n'a jamais tellement pris parce que l'église de Notre-Dame-des-Champs est quand même assez grande. Donc l'acoustique ne permet pas qu'on ait non plus énormément d'instruments. Mais après, l'avantage, c'est qu'on peut accueillir plus de monde aussi. Voilà. Caroline, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, en fait, le fait qu'il y ait aussi ces instruments-là habitués, ça vient aussi justement du fait que ce sont des amis qui jouent ensemble depuis longtemps et une vraie complicité qui s'installe. Alors moi, je ne suis pas dans les musiciens, en tout cas pas. Mais vous pouvez l'observer. Mais effectivement, oui, il y a une vraie complicité et ça se sent dans les veillées de prière. Il y a quelque chose, ça porte vraiment les intentions et la prière à chaque veillée, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Et s'il y avait d'autres musiciens qui, par exemple, qui nous écoutent ce soir et qui désiraient peut-être participer à la veillée de prière, bien sûr, ils peuvent venir louer, chanter, adorer. Est-ce qu'ils peuvent aussi tenter de venir avec leurs instruments? Alors, il y a des castings, hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent, qui voudraient rentrer. Non, on a essayé plusieurs fois de faire rentrer d'autres musiciens, mais c'est quand même toujours très compliqué parce qu'on a, il faut que déjà ils connaissent tous les chants, il faut qu'on ait les partitions qu'il faut, etc. Il faut un certain niveau aussi. Parce que ce que dit pas Grégoire, c'est qu'on fait quasiment jamais de répétition en fait. Oui. Donc du coup, c'est parce qu'on a l'habitude de jouer ensemble, on a l'habitude de jouer les chants et de jouer aussi de la musique chrétienne, que du coup, c'est ça qui fait qu'on arrive à jouer aussi bien ensemble. Parce que je crois qu'on a fait deux répétitions en tout dans 3 ans de Magnificat, ouais. Avant la première veillée, et une fois au bout de 2 ans à peu près, c'est tout. Donc je vous ai entendu tout à l'heure répéter déjà, et ça promet parce que vous avez de très belles voix. Donc on garde dans quelques instants, on va pouvoir commencer à prier, mais on va quand même continuer les présentations. Magnificat, est-ce que vous seriez proche d'une spiritualité en particulier? Est-ce qu'il y a des saints que vous priez en particulier dans votre groupe de prière? Grégoire. Eh bien, depuis cette année, on a la chance d'accueillir donc le sanctuaire de Sainte-Marie de Schönstatt. Donc c'est une vierge pour laquelle on a une certaine dévotion à Magnificat. Et puis voilà, je rappelle que Magnificat, c'est quand même à la base, enfin c'est basé sur Marie en fait, le Magnificat de Marie. Et donc voilà, ce passage biblique où justement Marie dit mon âme exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Voilà. Et donc voilà, c'est la Sainte Vierge a une place toute particulière voilà au sein de Magnificat. Et puis voilà, sinon au niveau des spiritualités, c'est très éclectique parce que voilà, il y a des catholiques qui sont plus traditionnels, d'autres qui viennent plutôt du renouveau charismatique, etc. Et c'est un bon mélange en fait de tout ça puisque chacun est content. Les chants qu'on fait sont parfois en latin, sont parfois bon, plus généralement c'est les manuels, etc. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts entre guillemets. Voilà. Caroline. Oui. Oui, il y a une sainte quand même qui est là depuis le début, qui a été aussi motrice et aidante depuis le début de Magnificat, c'est Sainte Bernadette, qui était une grande source d'inspiration, notamment dans le cours d'éveillé, le fait qu'il y ait louange, adoration, intercession. Enfin, voilà. Il y a quelque chose avec Sainte Bernadette, notamment sur l'humilité qu'on veut avoir aussi, et l'esprit de Magnificat qui... accueille d'accueillir aussi certains charismes qui se laissent aussi habiter en fonction des groupes qui voilà aujourd'hui enfin cette année on a accueilli beaucoup de nouveaux au sein du groupe et bon c'est aussi animé par cette envie de se laisser guider par la Sainte Vierge et même aussi aussi l'ouverture en fait sur ceux qui ne connaissent pas forcément le Christ qui n'ont pas forcément la foi parce que le principal message de Marie à Bernadette c'était prier pour les pécheurs enfin prier pour les pécheurs pour ceux qui n'ont pas la foi et c'est pour ça aussi qu'on a lancé toute cette démarche d'évangélisation de rue, pardon, et justement d'ouverture à ceux qui ne connaissent pas le Christ pour qu'ils, par notre intermédiaire, peut-être qu'ils puissent se laisser toucher justement par Dieu. Au passage, nous saluons tous les auditeurs qui sont devant leur poste ou leur ordinateur pour suivre cette émission de Lourdes et sur les ondes de Radio Présence. Nous allons avoir notre première pause que mes invités vont pouvoir présenter avec le collectif Cieux ouverts, l'amour de notre Père. Alors on écoute d'abord et puis ensuite vous nous expliquez qui est ce groupe. Radio Notre-Dame. Jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion. c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. C'était donc le collectif Cieux ouverts, l'amour de notre Père, qui chantait justement ce groupe que vous allez nous présenter, Marlène. Oui, alors collectif des Cieux ouverts, c'est un groupe de louanges protestants et qui vient de sortir son dernier album récemment, en début d'année, et qui est vraiment super. Et avec voilà, l'un des chanteurs, c'est Samuel Olivier. Et vraiment, ils font des chansons qui sont super belles, très priantes, avec des belles paroles et une musique qui est vraiment super bien. Alors, on aura un autre chant d'ailleurs de ce collectif tout à l'heure. Mmh. C'est un groupe très moderne dans un sens, mais qui font vraiment ce qu'on appelle de la pop louange, voilà, qui est vraiment un courant qui vise à syncrétiser un peu la musique actuelle et puis la musique religieuse, qui n'est pas toujours... forcément au goût du jour. Et voilà, Samuel Olivier fait vraiment un travail de composition très, très riche et très, très pop, quoi. Alors, nous avons déjà des auditeurs qui nous écrivent. Nous avons déjà un premier mail de Suisse qui nous donne des intentions de prière pour Fabienne et Étienne, pour qui nous allons prier. Nous allons prier aussi pour Paul, pour Michel-Antoine aussi, qui... Elle nous dit qu'il a l'occasion de venir déjà au groupe de prière Notre-Dame des Champs à chaque adoration du jeudi. Et il nous dit que c'est un moment de bonheur grâce au dynamisme et à la jeunesse du groupe. Wow. Voilà, nous allons pouvoir continuer cette émission. Merci Michel. Je vous rappelle le numéro de téléphone, ainsi vous pouvez nous joindre pour nous donner vos intentions au 01 56 56 44 00 ou à l'adresse email comme l'ont fait déjà plusieurs. écoutedanslanuit@gmail.com. Bien écoutez, c'est à vous. Nous allons prier à toutes ces intentions pour notre pays et puis à toutes les intentions des personnes qui vont nous contacter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons. Sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Fortifie nos cœurs blessés, la lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix. Que de vos cœurs j'aime. vos chants le glorifient. Adorez-le, adorez-le, bénissez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Seigneur, nous vous confions tous les auditeurs qui nous appellent. Je vous confie en particulier Nathalie, qui a un rendez-vous très important avec son avocat. Nous vous confions aussi, Seigneur, Marceline, qui nous appelle de Martinique, et qui nous confie son fils Jérémy, qui est atteint de 3 hernies discales. Venez, Seigneur Jésus, le guérir. Confiance en toi, ô cœur transpercé, blessé. Nous vous bénissons, Seigneur, pour tous les auditeurs qui peuvent nous appeler encore ce soir au 01 56 56 44 00 ou à l'adresse email écoutedanslanuit@gmail.com pour nous donner leurs intentions de prière. Nous nous retrouvons après cet autre chant, Prosternez-vous, du groupe Before les JMJ. Radio Notre-Dame. C'était Prosternez-vous, un chant de l'Emmanuel qu'ils avaient interprété à l'occasion avant les JMJ. Pour cette soirée, nous sommes encore avec le groupe Magnificat et nous allons continuer cette veillée de prière à vos intentions. Pour cela, vous pouvez nous joindre au 01 56 56 44 00 ou nous écrire à l'adresse écoutedanslanuit@gmail.com en indiquant bien sûr votre prénom et la ville d'où vous nous écrivez. Bien là, que la prière continue. venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez, et moi, je vous soulagerai. Je suis Seigneur Jésus, nous vous confions tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui nous écrivent ce soir. Je vous confie Paul et la conversion de son époux. Je vous confie aussi, Seigneur Jésus, toutes les intentions de Marthe de Poissy pour sa fille Patricia qui souffre d'un cancer du sein avec des métastases au foie. Et pour son petit-fils Quentin, 21 ans, en grande difficulté, et pour ses parents adoptifs. Je vous confie aussi Marie et ses intentions pour Alain, son époux. Que le Seigneur le protège lors de son voyage. Nous vous confions aussi, Seigneur Jésus, Geneviève, qui nous a appelés de l'Aveyron, qui nous confie à Maëlys et Stéphanie, mais aussi à Léandre de Bagneux, qui nous demande de prier pour sa fille Audrey, pour qu'elle puisse retrouver un équilibre et une joie de vivre avec sa famille. Dis-moi où et comment je dois regarder pour te voir. Et j'ai la confiance d'accomplir fidèlement tout ce que tu m'ordonneras. Reçois, je t'en supplie, ô Dieu et Père très clément, ce fugitif dans ton empire. Ah, j'ai souffert assez longtemps. Assez longtemps j'ai été l'esclave des ennemis que tu foules aux pieds. Assez longtemps j'ai été le jouet des tromperies. Je suis ton serviteur. J'échappe à l'esclavage de ces maîtres odieux. Reçois-moi. Pour eux, je n'étais qu'un étranger. Et quand je fuyais loin de toi, ils m'ont bien reçu. Je sens maintenant que j'ai besoin de retourner vers toi. Je frappe à ta porte, qu'elle me soit ouverte. Enseigne-moi comment on parvient jusqu'à toi. Je ne possède rien que ma volonté. Je ne sais rien, sinon qu'il faut mépriser ce qui est changeant et passager pour rechercher ce qui est immuable et éternel. C'est ce que je fais, ô mon Père, parce que c'est la seule chose que je connaisse. Mais j'ignore comment on peut arriver jusqu'à toi. Inspire-moi, éclaire-moi, fortifie-moi. Confier Thérèse, qui nous vient de Thionville, pour les difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec sa voisine. Je te confie également Marie-Paul de Chartres, pour son petit-fils Axel, et pour tous les problèmes qu'il rencontre. Confie Marie-Gabrielle qui vient de Versailles pour la dégénérescence de ses nerfs optiques, pour cette situation qui l'angoisse beaucoup. Seigneur, nous te confions Marie-Thérèse qui vient d'ici les Moulineaux et qui s'est fait récemment voler sa carte bleue et qui a de gros problèmes par rapport à ce vol. Seigneur, nous te confions Sabine. Et nous te prions pour Romain et ses deux petits. Nous te confions aussi Marie-Paul, qui vient de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Paris, qui vient de se faire baptiser il y a 11 ans et qui souffre de tremblements dans les jambes qui lui empêchent de dormir. Nous prions pour aussi qu'elle puisse guérir de ses crises de traumatisme qui l'empêchent d'aller à la messe. Seigneur, par l'intermédiaire de Pierre qui nous vient de Neuilly-sur-Seine, nous te prions pour les élections qui se passent actuellement dans notre pays. Nous te confions enfin à Aaron, qui vient de Paris, pour sa situation administrative et compliquée, qui craint d'être renvoyé à Cuba à cause d'un problème administratif. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez. Moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Mettez-vous à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Prenez mon joug, il est aisé. Vous trouverez la paix, mon fardeau est léger. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Je suis de vos âmes. Devant toi je tiens mon âme comme un enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, mon âme espère en toi, en silence et dans la foi, j'espère le Seigneur. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Nous vous louons, Seigneur, pour ce temps de prière. Nous vous remercions de venir exaucer, écouter toutes ces intentions. Venez visiter chaque auditeur et auditrice ce soir. Viens apporter la paix à notre pays. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez continuer à nous appeler et donner vos intentions de prière au 01 56 56 44 00 et à l'adresse email écoutedanslanuit@gmail.com. Nous nous retrouvons juste pour la pause de 23h. Radio Notre-Dame. Écoute dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Je reçois plusieurs personnes, ils sont 5 dans le studio à animer ce temps de prière à vos intentions. Donc vous pouvez nous joindre pendant cette soirée au 01 56 56 44 00 et nous allons prier à vos intentions en particulier. Vous pouvez également nous écrire un mail à l'adresse écoutedanslanuit@gmail.com et vous aurez aussi au standard 2 personnes du groupe Magnificat qui vont recevoir vos appels. Alors n'hésitez pas à les joindre. Je vous propose de continuer la prière d'intercession pour tous nos auditeurs. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Seigneur, nous te confions ce soir Colette qui vient de Nantes. Nous te confions son mari. Nous te confions toutes les intentions qu'elle porte dans son cœur. Seigneur, nous te confions Isabelle, qu'elle puisse guérir et sortir de sa souffrance, que le Seigneur l'aide. Seigneur Jésus, nous vous confions aussi Marc, qui s'est éloigné de sa famille. Et comme c'est la Saint-Marc aujourd'hui, que l'Esprit-Saint vienne transformer sa vie et l'aider par l'intercession de la Sainte Vierge et de Saint-Joseph. Seigneur, nous te confions Annick, qui nous vient de Mayenne. Nous te la confions pour qu'elle parvienne à rester debout dans ses épreuves. Et par son intermédiaire, nous te confions Dominique, qui souffre et qui ne peut plus se nourrir. Seigneur, nous te confions Bernadette, qui nous vient des Yvelines, et qui te recommande spécialement Ivan, qui est mourant et qui ne veut pas recevoir les derniers sacrements. Seigneur, donne-lui la foi. Seigneur Jésus, nous vous confions Nicole et son fils Guillaume, qui est en dépression. Que le Seigneur lui redonne sa joie et son espérance. Seigneur, par l'intermédiaire de Marie-Hélène de Toulouse, nous te confions Isabelle, qui souffre de la séparation avec son conjoint, qui est parti avec une autre femme. Nous te confions également ses 2 filles, Rachel et Esther, qui souffrent énormément de cette séparation. Seigneur, nous te confions Anne, qui vient de Paris, et qui te confie sa fille Charlotte, proie des addictions. Viens la sauver, Seigneur. Nous vous confions aussi Aude et Tommy, qui sont sur le point de se séparer. Venez réconforter, réconcilier ce couple-là, et venez aider aussi leurs enfants. Nous vous confions aussi Jean-Pierre et sa famille. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix. Se repose en paix. Seigneur Jésus, je vous confie Sandra, qui cherche sa véritable voie professionnelle. Et venez à la combler dans toutes ses dimensions, dans toutes ses recherches. Seigneur, nous te confions Josiane, qui souffre de terribles maux de ventre. Nous te confions Sœur Marie-Véronique. Nous te confions Evelyne, qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. Seigneur, nous te confions... Nous te confions Elisabeth, qui nous vient de Paris, et qui te confie spécialement Annick, qui a été adoptée. Nous te confions spécialement Annick, qui a adopté une petite fille handicapée, et qui n'a pas voulu la faire baptiser, car elle rejette l'Église. Seigneur, viens la prendre sous ton aile. Nous te confions aussi spécialement son frère Olivier, dont le couple bat de l'aile, et pour sa nièce Anne, qui a fait une tentative de suicide. Seigneur, viens les inonder de ta clarté. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes interventions, pour toutes vos interventions. Je vous confie de façon particulière Martine et sa santé. Veuillez la libérer de toutes ses souffrances. Seigneur, nous te confions Christian et ses problèmes d'yeux. Et par son intermédiaire, nous te confions Fernando, nous te confions Yvonne, Cathy, Max et son cancer. Marie, qui est atteinte d'une leucémie depuis 8 ans. Nous te confions Clara, nous te confions Sœur Joseph-Marie, nous te confions le Père Bernard, nous te confions Sœur Marie-Françoise, et nous te confions Marie-Françoise. Seigneur, nous te confions Mireille, qui vient de Toulouse. Aide-la à sortir de ses problèmes d'argent. Nous te confions aussi Nassa, qui vient de Paris, en banlieue, pour sa santé. Seigneur, nous te confions Hélène, qui vient de Vannes, pour son mari Jean-Jacques et son combat contre l'alcoolisme. Seigneur, nous te confions Malvin, qui vient du 95, et qui te confie spécialement notre pays, les familles dispersées, les jeunes, ceux qui ont peur de dire qu'ils sont chrétiens, et pour les résidents d'hôpital psychiatrique. Seigneur Jésus, nous vous confions aussi Irène, son mari Benjamin, qui est paralysé suite à une rupture d'anévrisme. Seigneur Jésus, daignez le relever. Seigneur, nous te confions Marie-Laure, qui a perdu son mari et qui a du mal à s'en remettre. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix. Seigneur Jésus, venez visiter Myriam, qui nous appelle, qui nous a écrit du Gard. Nous vous confions toutes ses intentions, sa sœur Delphine. Que le Seigneur veille sur son mariage. Seigneur, nous te confions Edmond, qui vient de Metz. Nous te confions son couple. Seigneur, nous te confions Alette, qui vient de la Marne, pour la réunification de sa famille dans le pardon, et pour sa fille Violaine qui va se marier cet été avec Loïc, que son ménage soit solide et chrétien. Seigneur Jésus, nous vous confions Ghislaine, atteinte d'une maladie très grave et qui souffre énormément. Nous vous demandons sa guérison physique et affective et sa conversion. Seigneur, nous vous confions Martine, qui vient de Paris, Nous prions pour ses parents, sa mère qui est à l'hôpital et son père qui sort de l'hôpital et qui a perdu des repères. Seigneur, nous te confions Solange qui vient de Nîmes. Que la Sainte Vierge lui donne la force et que le Seigneur la délivre de cet esprit impur qui l'habite. Seigneur, viens la délivrer. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, nous vous confions Mathilde qui se bat contre une méningite. Donnez-lui la force de vivre, ainsi qu'à toute sa famille. Seigneur, nous vous confions Brigitte qui vient des Pyrénées. Nous prions particulièrement pour l'unité de sa famille, pour Raphaël, pour David et chacun des membres. Nous prions particulièrement pour qu'ils soient en paix. Seigneur, nous te confions Yves qui vient du sud-ouest. Nous confions son épouse et sa mère. Et par son intermédiaire, nous te confions le monde pour que la miséricorde s'étende dans tous les cœurs. Seigneur, nous te confions Christine qui vient du sud-ouest. Pour son conjoint, pour sa situation qui est très compliquée. Pour son filleul Loïc, pour Rémi qui a 19 ans et qui a des graves problèmes de santé. Et pour son frère Thomas. Et pour la paix dans le monde. Seigneur, nous prions pour Myriam qui vient de Nantes, pour ses trois petits-enfants, Clément, Ilan, pour la naturalisation d'un jeune médecin qui voudrait exercer en France. Seigneur, nous te confions Louisette qui vient de Choisy-le-Roi. Par son intermédiaire, nous te prions pour la conversion de Claude et nous te prions pour ses enfants pour qu'ils trouvent leur voie. Seigneur Jésus, je vous confie aussi à tous les groupes de prière, de louanges dans les paroisses afin qu'ils puissent aider les paroissiens à prier. Et nous vous confions aussi toutes les personnes atteintes d'une maladie chronique ainsi que leurs familles et surtout les jeunes, que l'Esprit Saint les accompagne. Seigneur, nous te confions Israël qui vient de Neuilly-sur-Seine et qui te confie particulièrement pour que l'humanité puisse se rapprocher de la vraie religion. Seigneur, nous te prions pour Pascal, qui vient de Toulouse, pour Viviane, qui a de gros problèmes de santé, ainsi que pour Maria. Seigneur, nous te confions Clémence, pour qu'elle retrouve la santé. Et nous te confions aussi la conversion d'Alexandre. Seigneur Jésus, je vous confie Marie-Paul de Paris et sa cousine Martine qui vient de perdre sa maman, Jeannine. Et nous vous confions, Seigneur, le repos de l'âme de Jeannine. Et aussi, nous vous confions son frère Jean-Marc et sa mère Micheline et son papa Robert qui sont très fatigués physiquement. Seigneur, nous te confions Marie-France, qui vient d'Île-de-France. Nous te confions son mari, qui est actuellement en fin de vie. Seigneur, nous te confions Annick, qui vient de Mayenne. et qui te confie sa nièce, Émilie, pour qu'elle puisse bien terminer son expérience de jeune fille au père et sortir de sa dépression. Pour le groupe du rosaire encordé et pour tous les groupes de rosaire et leur intention. Seigneur, viens bénir Madeleine qui vient des Yvelines. Nous prions particulièrement pour sa fille qui est malade. Seigneur Jésus, nous te prions pour Marguerite, qui vient de Bagneux-sur-Cèze, dans le Gard. Nous prions pour son fils Jean-Pierre, qui souffre d'une grave allergie, dont on ne trouve pas la cause. Seigneur, nous te confions Annick, qui vient d'Issy-les-Moulineaux. Nous te la confions spécialement, car son mari est mort il y a un mois, et elle ne s'en sort pas pour faire les démarches administratives. Et nous te confions aussi son fils, Emmanuel, pour qu'il trouve du travail et puisse fonder un foyer. Nous allons pouvoir continuer à louer le Seigneur avec ce chant de la communauté de l'Emmanuel. Au matin, la pierre est roulée. Radio Notre-Dame. Et croyez, Christ est ressuscité, alléluia. la communauté de l'Emmanuel, au matin, la pierre est roulée. Nous allons continuer cette fois-ci avec le groupe Magnificat, mais dans une partie plus de louanges. Je vous laisse faire, chers amis. Avant de commencer à la louange, à louer notre Seigneur, nous allons pouvoir prendre la prière de la neuvaine pour la France, que vous pouvez dire avec nous à la maison si vous nous écoutez et que vous la connaissez. Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d'enfants, confiants en votre bienveillance. Guidez-les vers Jésus notre Sauveur, pour recevoir de son cœur les grâces de sa divine miséricorde. Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles, ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Recevez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils, afin qu'il intercède en notre faveur, qu'il oriente nos actions vers le bien et nous guide dans la vérité. Nous vous consacrons la France, dans la fidélité à l'espérance et à la force de l'Esprit Saint, reçue à notre baptême. Amen. La Sainte Vierge Marie, on vous remet tout particulièrement cette période cruciale pour la France. Voilà, cette période qui nous mène au deuxième tour des élections. On vous demande d'inspirer tous les électeurs et puis plus tard d'inspirer nos dirigeants politiques. Louons le Seigneur. continuer de louer le Seigneur. Car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi. toi pousse des cris de joie. Du malheur, il vient te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Tu seras délivré. Et jouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi. Car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Et jouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Les montagnes peuvent s'écarter. Béni sois-tu ce soir de nous rassembler des quatre coins de la France, quel que soit l'endroit où on vient. Nous sommes ici pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, pour te prier. Voilà, béni sois-tu, Seigneur, nous sommes là pour te rendre grâce. Pour te rendre grâce de tous les bienfaits que tu... Tous les bienfaits que tu opères dans nos vies, toutes les grâces que tu nous donnes, tous les dons que tu nous donnes, tous ces dons que tu nous donnes pour les faire fructifier. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour tous les auditeurs qui nous écoutent de d'autres pays, de Suisse, de l'Afrique, de tous ces pays africains qui nous reprennent, mais aussi du Canada, d'Australie, du Liban. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Proclamer que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, le Dieu qui règne. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu as vaincu la mort et nous attendons que ton règne vienne. Béni sois-tu, Seigneur. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié sur danse pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit, ton nom sera sur nos lèvres, de la nuit n'y aura plus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que en torrent, ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Que coule en torrent vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Et merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de louange, pour tous ceux qui nous ont appelés. Merci Seigneur, venez visiter chacun d'entre nous. Et je vous propose de continuer l'émission avec ce chant de Hillsong, Hosanna. Radio Notre-Dame. Thank you. C'était Hillsong qui interprétait Hosanna dans sa version française. Nous allons, comme le soir s'achève, nous allons terminer par un magnifique petit chant. Alléluia Magnificat avec le groupe Magnificat. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Il a posé les yeux sur moi, louange et gloire à son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Son amour demeurera jamais, louange et gloire à son nom. Son bras soutient ceux qui le craignent, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Gloire à son nom, à sa promesse il est fidèle, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Acclame mon Dieu car il est bon, louange et gloire à son nom. Bénissons-le pour ses merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez, un grand merci pour ce temps de louange, avec des chants bien, bien péchus, comme on dit. Hein. Donc vous animez tous les jeudis soirs. Voilà. Donc ces veillées de prière, avec ces chants-là, et puis d'autres. Avec ces chants-là, oui, là on a renouvelé dernièrement notre répertoire, on s'est tourné aussi vers des chants plus pop loin justement. Plus récent, oui. Voilà, ça fait 3 ans qu'on chantait un peu les mêmes chants, donc on essaye de renouveler un peu les... Et quand vous dites vous renouveler, c'est-à-dire vous composez des chants. Eh bien, on est en train de composer un Magnificat, figurez-vous. Parce que, voilà, on chante toujours le Magnificat à la fin de chaque veillée. Avant, c'était un Magnificat plus psalmodié, mais qui était un peu tristounet par rapport au reste finalement. Donc on a pour l'instant c'est celui qu'on chante aujourd'hui, sauf pendant le carême puisqu'il y a Alléluia dedans. Donc on dit Maranatha à la place. Et voilà, dans un futur proche, on espère, on aura un nouveau Magnificat à nous. Et puis un CD peut-être. Un CD, ah, ça. Donc il en faudra plusieurs chansons. Hein, c'est pas encore prévu le CD. Il faut qu'on trouve un studio aussi. Non, mais en fait, quand on disait qu'on renouvelle les chants, surtout, c'est qu'on va piocher en fait dans d'autres répertoires qui sont déjà des répertoires de chants composés. Enfin, les principaux répertoires, c'est le répertoire de l'Emmanuel, mais c'est vrai que, enfin, comme ils se renouvellent beaucoup eux-mêmes, ça nous permet en fait d'aller piocher ici et là en fait dans d'autres groupes comme EXO aussi par exemple, et justement après de justement renouveler, de composer un peu tout ça notre répertoire à nous pour justement animer et proposer une belle louange à tous les paroissiens, les non-paroissiens qui viennent nous voir. Alors ce soir, nous avons eu énormément d'appels. Caroline et Axel pourront en témoigner. Et puis Albertine, que je remercie d'ailleurs au passage pour ce service et qui ont pu répondre à tous vos appels. Et bien sûr, nous avons pu mentionner plusieurs intentions tout à l'heure, mais il y a encore toute une autre moitié qui n'a pas été, dont on n'a pas fait mention. Mais que va-t-il se passer pour eux? Ce qu'on fait à chaque fin de veillée, c'est que, en fait, on propose aux gens donc de déposer des intentions dans un petit panier pour qu'elles soient lues pendant la veillée. Et d'autres qui ne sont pas lues sont déposées sous l'icône de Marie, en fait. Et Axel ensuite se charge d'aller donner les intentions à un couvent. Couvent ? Eh ben, on change de couvent. Ah, vous changez alors, de couvent, donc on a changé plusieurs fois de couvent avant tout. Alors c'est principalement le couvent des Petites Sœurs de l'Adoration. C'est des carmélites qui sont Ruguet-Lussac, où il y a l'adoration perpétuelle, et voilà, elles sont toujours ravies. Elles s'appellent le service après-vente de Magnificat, elles me disent à chaque fois. Et elles sont toujours ravies, j'arrive toujours avec une grande enveloppe pleine d'intentions, et elles prient du coup toute la semaine pour toutes ces intentions. Donc pendant les vêpres, pendant les temps d'adoration. Oui, alors elles m'ont pas dit exactement quand, mais oui, je crois qu'elles. Elles ont du temps. Elles ont, oui, avec l'adoration, oui. Vos intentions seront amenées dans le couvent. Voilà, dès demain matin. Dès demain matin. Chez les petites carmélites. Demain matin, et puis si vous avez encore d'autres intentions, vous pouvez aussi venir jeudi soir à la paroisse Notre-Dame des Champs, le métro. C'est Notre-Dame des Champs. Ou Montparnasse. Ou Montparnasse, ou Vavin. C'est ligne 4, c'est... 6 et 12 et 13. Voilà, c'est dans le boulevard Montparnasse, en fait. Donc vous comprenez, c'est assez pratique pour la radio, parce que la radio se trouve juste à côté aussi, donc pour pouvoir venir. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai pu découvrir le groupe de prière un soir lors d'une émission d'écoute dans la nuit, juste avant une émission, peut-être une heure avant. Je pressentais qu'il fallait que j'aille dans la paroisse, et c'est comme ça que j'ai pu découvrir le petit groupe missionnaire devant l'église, et puis à l'intérieur... J'ai pu rencontrer plusieurs d'entre vous pour pouvoir déjà prendre contact. Mais le Seigneur fait bien les choses. Tout à fait. Très bien, mais écoutez, un grand merci à chacun d'entre vous. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Merci Caroline. Ouais, merci Jean-Marie. Merci Éloi. Merci. Merci Axel. Johan. Johanna. Johan. Marlène, merci beaucoup. Jean-Marie. Et merci Mathias pour... vos superbes chants et votre intervention ce soir. Merci. J'espère que ça se renouvellera. En tout cas, ça se pourquoi pas. Ben, merci à toute votre équipe. Merci de nous avoir reçus. Hein. Écoutez, je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. À Guillaume qui a dû faire tous les mixages pendant le direct. Albertine, encore une fois de plus. Axel et Caroline pour le standard, parce que c'était assez péchu aussi comme mission. Je remercie Denis et Marie-Marcel. Cette émission est disponible en CD aux ateliers du Carmel, 14 380 Saint-Sever, dans le Calvados. Demain, nous nous retrouvons à 22h avec le père Guy Gilbert. Il parlera de la foi en Dieu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc c'est un petit changement, nous retrouvons le père Guy Gilbert demain, comme tous les mercredis. Très bonne nuit à tous et n'oubliez pas, avant de vous endormir, de jeter un petit coup d'œil vers le ciel, et n'oubliez pas que nous sommes dans l'année de Fatima, le 100e anniversaire de Fatima. La Vierge Marie a demandé que nous prions le chapelet tous les jours. Et il me semble important de le rappeler parce que nous vivons des temps un peu particuliers. Donc n'oubliez pas, en tout cas demain, ce soir vous pouvez dormir bien sûr, mais essayez de prier, de répondre aux appels de la Vierge Marie. Bonne soirée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.